reconnu le style? J'ai stoppé l'école vers la troisième, je m'amuse comme la croisière, je suis au troisième étage, hôtel Martinez sur la croisette. Ils pensent que je suis à fond, je passe à peine la troisième, paraît que je suis nouveau avant, je rappais comme ça il y a trois siècles. Il y a comme une erreur de casting, vas-y bouge tes seufs, j'arrive en 2-4-6, ma zik touche des cœurs, sans. Il y a comme une odeur de pastis dans la bouche des keufs, non, ne me fais pas écouter cet artiste, touche des gueules. On me fait des procès, mais je vais me faire clasher par qui? T'es dans des grosses caisses, parce que t'es valet de parking. Tu voulais me raconter ta vie, c'est quand j'allais partir. Arrête le rap et va taffer, tu fais chialer ta petite. En boîte, les michetos, s'il y connaît, parle mal. Pour elle, si tu connais le barman, c'est mieux qu'être diplômé d'Harvard. Tu prends des mauvaises décisions, ta copie est à revoir. Ils attendent mes épisodes comme celui de Star Wars. On peut pas voir la vie en rose vu la couleur du ciel. La vie fait pas de cadeaux en plus de la douleur tu saignes. J'étais ado, on me disait qu'est-ce tu veux faire tu sais. Je vais faire le clip en noir et blanc vu la lourdeur du 16. On peut pas voir la vie en rose vu la couleur du ciel. La vie fait pas de cadeaux en plus de la douleur tu saignes. J'étais ado, on me disait qu'est-ce tu veux faire tu sais. Je vais faire le clip en noir et blanc vu la lourdeur du 16. Cette fille me plaît, ça sera ciné, dîner rapide. Après la nuit elle finira en kinésithérapie. Ça rigole pas, style Eric et Ramsey, faut que je vive autre part. C'est ce qu'essaie de m'expliquer la psy. Des fois je déconne, je récupère ma meuf avec des pleurs, j'essaie de la consoler. Et le pack-pack débarque avec des fleurs. Je galère des heures et mon regard arpente le ciel. Rester dehors, ça rapporte rien par 42 fièvres. Cette pute de vie n'est pas un jeu, vu qu'on perd des proches. Me touche pas un cheveu, au fait, toi t'es qui pour me faire des reproches? Hein? Va jouer ailleurs, t'es dans la cour des grands. Trop d'argent, je recule de 5 mètres pour faire une capture d'écran. On mange 10 euros par tête et la petite m'embrasse. Chef, le service est parfait, on dirait Pete Sampras. Ne tends pas trop la main, tu finis vite sans bras. Vaut mieux que j'arrête d'écrire avant que le beat s'embrase, hein. On peut pas voir la vie en rose vu la couleur du ciel. La vie fait pas de cadeaux en plus de la douleur tu saignes. J'étais ado, on me disait qu'est-ce tu veux faire tu sais. Je vais faire le clip en noir et blanc vu la lourdeur du 16. On peut pas voir la vie en rose vu la couleur du ciel. La vie fait pas de cadeaux en plus de la douleur tu saignes. J'étais ado, on me disait qu'est-ce tu veux faire tu sais. Je vais faire le clip en noir et blanc vu la lourdeur du 16.